À l'occasion de la journée de Sun Gun, Madame Chong Il-sim, femme du héros de la République An Dong-sun, a déposé le 24 courant une corbeille de fleurs devant les statues en bronze du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, érigées sur la colline Mansung, avant de s'incliner.